Le cadeau du matin. Le cadeau du matin est un cadeau extraordinaire. Le matin, quand on se réveille de notre sommeil, il nous attend sagement sur la table de chevet. Quand on allume la lumière, il bondit, tout guilloré. Et c'est alors que le cadeau du matin fait son effet. Il commence à l'aurore et finit au crépuscule. Puis, quand vient la nuit, gracieusement dans les airs, il ondule et se repose tout doucement sur la table de chevet pour être fin prêt le lendemain matin. Mais qu'est-ce alors le cadeau du matin? Le cadeau du matin, c'est d'avoir une nouvelle journée. Une nouvelle journée pour s'amuser, danser, rigoler et profiter de chaque poussière de seconde de la vie. Ce cadeau invisible est le plus beau cadeau de l'univers. Lily Bégonia.